Macron, avec toutes les difficultés qu'il a, à ne pas pouvoir exploiter l'espace aérien algérien, parce que les Algériens sont formels, c'est terminé, mais à jamais. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des informations, ils n'obtiennent plus rien d'Alger. Et encore une fois, le Sahel est très particulier. Le Sahel, c'est pas Alger, c'est pas Bamako, c'est pas Paris, c'est le Sahel. Donc il y a des tribus qui sont là. C'est une vie tribale, c'est une vie de Azawad, c'est une vie d'Arabe, c'est une vie, c'est très particulier le Sahel. J'ai un cousin qui a fait 25 ans le Sahel et j'en parle souvent avec lui. Voilà, c'est très très particulier. Donc Macron veut se repositionner. Il n'a pas les moyens de le faire. Les Allemands non plus. Afrique Média, le monde, c'est nous.